Alors que la planète entière lutte contre le virus, on s'intéresse à un pays précurseur en la matière. Israël comptait hier, selon des responsables israéliens, plus de 2300 cas confirmés de Covid-19, dont 5 mortels. L'État hébreu a pris cette pandémie très au sérieux. Dès la fin du mois de février, plus de 80 000 Israéliens étaient confinés chez eux en quarantaine dès le début du mois de mars. Un coup dur, mais peut-être pas insurmontable pour une population qui a déjà vécu de nombreuses guerres et est habituée aux situations de crise. Un reportage de notre correspondante sur place, Hélène Maclean. Ce soir, les masques de carnaval ont remplacé les masques de protection contre le nouveau coronavirus. C'est la grande fête annuelle de Pourim et malgré les restrictions, des centaines de personnes paradent dans les rues. Yana est guide touristique. Elle aussi a décidé de faire la fête pour oublier l'avenir incertain qui l'attend. En fait, toutes les visites guidées que je devais faire cette semaine et la semaine prochaine ont été annulées. Je ne sais pas combien de temps ça va durer et je n'ai aucun moyen de le savoir. C'est pour ça que je cherche un travail alternatif. J'ai fait des études d'histoire, puis mon diplôme de guide touristique. Je n'ai donc aucune autre formation professionnelle. J'ai pensé à toutes sortes de petits boulots dans n'importe quel secteur. Il me faut de l'argent liquide et vite. Ce matin, je suis allée à un entretien d'embauche pour être serveuse dans un restaurant de sushi. Je pourrais aussi être, par exemple, serveuse dans un bar. Je préfère travailler le soir, en fait. Comme ça, si jamais on commande une visite guidée, je pourrais la faire pendant la journée. Je pense aussi à faire des ménages. Il faut bien se débrouiller, c'est la vie. Mais je ne suis pas inquiète, j'ai confiance. Je suis sûre que la situation va redevenir normale. C'est juste une question de temps. En attendant, il va bien falloir survivre. Anatoli est psychologue et militaire de réserve. Il fait partie d'une cellule spéciale créée par l'armée israélienne afin de gérer la crise interne liée à la pandémie. Pour moi, les mesures prises par le ministère de la Santé ne sont pas exagérées, comme certains le prétendent, mais vraiment nécessaires. Au regard du nombre de touristes et de citoyens israéliens qui arrivent habituellement de l'étranger, le nombre de malades est vraiment très faible. Nous avons réussi à ralentir et presque à stopper la propagation massive de l'épidémie, jusqu'à aujourd'hui en tout cas. Les Israéliens sont des gens plutôt disciplinés. Les habitants se sentent responsables les uns des autres. Le gouvernement a décidé de mettre toutes les personnes venant de l'étranger en quarantaine, quel que soit leur pays d'origine, afin de ne créer aucun incident politique. Je pense que ce qui a permis au gouvernement israélien de contrôler la propagation du corona, c'est le très fort communautarisme de la société et surtout cette formidable capacité qu'ont les Israéliens d'accepter de respecter les lois drastiques en situation d'urgence sans pour autant sombrer dans la dépression. Pour nous, c'est encore une autre période de crise avec laquelle il faut s'habituer à vivre. Les Israéliens sont habitués à être exposés à ce genre de situation. Pourtant, devant l'ampleur de la crise économique qui s'annonce, les avis sont partagés et de nombreux Israéliens critiquent la dureté des mesures mises en place. Michael est ingénieur du son. Il travaille dans le secteur du spectacle et ne cache pas son inquiétude. On ferait mieux d'assouplir toutes ces mesures et très rapidement, car énormément de commerces vont faire faillite, alors ça ne sert strictement à rien. Cet ordre d'isolement, pour les gens qui ont peut-être été en contact avec des malades, c'est la mesure la plus débile qui a été prise. Je ne veux pas juger les décisions du ministère de la Santé, mais même si toi tu t'isoles rapidement, entre-temps tu as vu tes enfants sont allés à l'école, donc en fait toute l'école et tous les parents d'élèves doivent aussi être à l'isolement? C'est impossible. D'ailleurs la plupart des gens en bonne santé guérissent du virus corona facilement, ce n'est pas pire qu'une grippe. Tout cela est absurde, la quarantaine n'est pas une option pour se débarrasser de la pandémie. Le nombre de personnes atteintes du coronavirus a augmenté de manière exponentielle ces derniers jours. Les experts s'attendent à ce que des dizaines de milliers de personnes, voire plus, finissent par être contaminées dans les semaines à venir. À Jérusalem, Hélène Maclean pour Radio Fribourg. Et notez encore que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ne veut pas se laisser déborder par la pandémie. Il a annoncé vouloir utiliser des technologies de traçage, normalement utilisées par les services secrets pour localiser les personnes ayant eu contact avec des porteurs du Covid-19 grâce à leur téléphone portable. Merci Sarah. Réentendre sur radiofr.ch cet éclairage international.